Le groupe Belussi, votre spécialiste en sanitaire, chauffage, plomberie, partenaire des services des sports de Fly FM, vous offre ce programme. Fly FM présente Top Chrono, le magazine des sports avec Fred et l'équipe des sports. Bonsoir, bienvenue dans Top Chrono Week-end. Et oui, bien sûr, c'est lundi de Pentecôte. J'espère que vous en avez bien profité. Il y en a qui sont allés se promener. On va prendre dans quelques minutes la température de cette belle journée. J'espère que vous allez bien. Une heure et demie de sport. Et oui, Top Chrono, c'est la dernière ce soir. Puisqu'après, nous aussi, on prendra un petit peu des vacances suite à la finale de la Coupe d'Europe. Où c'est qu'on a vu, bien sûr, le Real de Madrid qui a atomisé cette équipe de la Juventus de Turin. On y reviendra dans quelques minutes là aussi. Voilà pour le sommaire, mais pour l'instant, on essaie de voir si Monique, qui est en train de se faire un petit peu des fils, ou essaie de détordre les micros pour pouvoir parler. Bonsoir Monique. Salut Fred, salut l'équipe. Et avec nous, on a bien sûr un animateur qui vous retrouvez tous les dimanches matin. Lui nous fait vibrer au son des îles, il nous fait découvrir, on va dire, le monde créole. C'est notre ami Thiblan. Bonsoir les sportifs. Blanc, voilà, et puis oui, les sportifs, on est tous prêts, et il y a surtout Jean-Yves. Ah, ça nous fait plaisir, enfin, il nous a ramené au soleil de la Bretagne. Bonsoir Fred, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, et effectivement, je suis revenu avec le soleil, mais eux l'ont plus chez eux. Tu l'auras chippé. Tiens, le directeur d'antenne a déjà disparu, on le retrouvera tout à l'heure, parce que c'est la dernière ce soir, et on est très heureux d'avoir avec nous, juste avant de voir le sommaire de cette émission, notre ami Gilbert Hervé, qui est l'organisateur de cette Olympic Cup, qui va mettre un petit peu en ébullition la ville de Monteux le week-end prochain, U15, c'est bien sûr du football. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Comme je fais d'habitude, mon cher Jean-Yves, j'ai tout mis dans le désordre, puis c'est revenu dans l'ordre. Ben écoute, l'essentiel, c'est que ce soit revenu, Fred. Ouais, voilà. Et bon, après, avec Hervé, c'est pas obligatoirement l'ordre ou le désordre, puisque ce type est en désordre permanent. Hop, merci, ça y est, ça c'est la première. Ouais, d'accord, écoutez, c'est la dernière. C'est normal, 27 degrés à l'extérieur du studio. J'espère que vous aussi, vous êtes bien calés sur le 89.9. Ça baissera un petit peu la température. Puisqu'on retrouvera, et on l'espère tout à l'heure dans le magazine Horizon, Marie qui viendra nous apporter les derniers news de tout cet été, qui va être long puisqu'on va se retrouver en septembre. Mais pour démarrer cette émission, voyons un petit peu le sommaire. On parlera bien sûr du motoball Elite 2, les résultats. L'équipe de Robion, emmenée par notre ami Lafont, eh bien, ils ont gagné. Eh bien, on verra en détail les deux matchs qui se sont déroulés dans cette Elite 2. Motocross à Pernes-les-Fontaines, la manche du championnat de France s'est déroulée sur la piste du Val de Guillot. Eh bien, oui, Pernes a rougi de plaisir, puisqu'il y avait beaucoup de monde autour de ce circuit. Et il y a eu des résultats qui étaient fantastiques pour les Vaucluziens. En handball national 3, les Mazanaises préparent son grand rendez-vous du côté de Pau. Samedi, jouer la dernière journée de championnat. On verra les résultats, s'ils sont efficaces ou pas. Mais ils ont déjà la tête du côté de Pau. En rugby à 15, c'était bien sûr les tout-petits qui ont fermé la saison 2016-2017 en Vaucluse, puisqu'il y avait le challenge Chevrier. On reviendra sur ces jeunes pousses du rugby à 15 dans quelques minutes. Le magazine Horizon, comme j'ai dit, aux alentours de 19h20, avec Marie, focus sur le badminton des Sept Rivières. Dimitri, le président du club, sera dans nos studios aux alentours de 19h. Mais pour démarrer, c'est grand angle, particulièrement footballistique, avec notre ami Hervé Gilbert. Et il devait y avoir Anthony Saguet. On lui fait un petit bonjour à lui aussi, puisqu'il va nous écouter, pour l'Olympic Cup, le tournoi U15 de Monteux international. Le décor est planté, place au sport. Top chrono, football. Allez, football, Hervé, ce tournoi U15, on l'attend. C'est des préparations depuis pratiquement un an, puisque dès qu'on termine un tournoi, eh bien déjà on en prépare en coulisses un nouveau. Et cette année, le challenge pour les Montiliens, c'est de se qualifier pour les quarts. Est-ce qu'on va y arriver? Normalement, j'en ai parlé ce matin d'ailleurs avec Anto, à qui je passe le bonjour, encore une fois le bonjour, parce que j'ai essayé de l'avoir pour qu'il vienne et il n'est pas sur Monteux. Oui, je pense que cette année, c'est la génération de Monteux qui peut aller effectivement le plus loin possible de la compétition. Alors, il faut se rappeler quand même que les U15, eh bien, maintenant, ils sont en DHR, ils ont monté, mais ça me ou en Ligue, rafraîchis chez moi la mémoire. Et c'est pour ça qu'on peut Oui, on peut y croire. On peut espérer, oui, parce qu'en fait, cette année, Anto a fait, enfin, Anto et les autres ont fait un super boulot. Il a, le club travaille énormément sur la formation. Il y a beaucoup de jeunes qui nous rejoignent de toutes les villes et des villages d'à côté. Et c'est vrai que cette année, avec le travail a payé enfin, et Anto a réussi pour la première fois dans l'histoire du club à se hisser au niveau Ligue, où l'année prochaine il pourra se frotter à des équipes comme l'OGC Nice, comme Monaco. Ça sera peut-être certainement les premières années de ces équipes professionnelles, mais c'est déjà beau. Et pour les jeunes de Monteux, je trouve que c'est très très très bien. Voilà, c'est un pick-up qui a pris, on va dire, beaucoup d'ampleur depuis que tu l'avais créé. Rappelle-moi, il y a combien d'années déjà ? 2013. Oui, 2013. Et on avait eu la chance d'avoir la Malnue de Barcelone qui était venue, les Espagnols. D'entrée, on avait dit, c'est l'Olympic Cup, c'est le tournoi international. On avait, effectivement, on avait voulu commencer petit pour grandir ensuite, pour prendre le temps de grandir ensuite, pour ne pas grandir trop vite. On avait eu la première année quelques clubs justement qui ont dynamisé un peu tout ça, notamment le CE Saint-Gabriel qui a rendu le tournoi international. Après, il y a eu quelques clubs comme le Grenoble Foot 38, etc., qui sont venus, et le Sporting Club de Bastia qui sont venus pour crédibiliser un peu tout ça. Et maintenant, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de facilité à faire venir n'importe quelle équipe en gros. Voilà. Cette année, les joueurs professionnels ont répondu présent parce que chaque fois qu'il y a une manifestation où les jeunes sont mis en valeur pour donner un petit peu plus d'ampleur au football, parce que c'est vrai que le football est décrié, on parle toujours beaucoup d'argent, on parle beaucoup d'affaires dans le football, mais il ne faut pas oublier aussi que c'est un sport et les jeunes ont besoin un petit peu de lumière. Et c'est vrai qu'à travers ce tournoi, c'est vrai que tu fais bien les choses en faisant venir beaucoup de joueurs professionnels ce jour-là. Oui, cette année, on a encore quelques joueurs qui se sont ajoutés, notamment on a Steven Nzonzi du FC Séville. On a William Rémy qui est à Montpellier, on a Raphaël Caceres qui reste toujours fidèle à notre tournoi depuis 2013. On a Johan Cour qui sera là aussi, le petit Erwin Cardona qui fait parler de lui en ce moment à Monaco seront présents aussi. C'est vrai qu'il y aura du bon monde samedi et dimanche au Stade Saint-Hilaire. Elle est en train de regarder un petit peu l'affiche qui va nous proposer bien sûr ce tournoi Olympic Cup. On est bien sûr... On regarde un petit peu cette belle affiche avec quatre poules des clubs qui vont s'affronter. Hein. Bastia, tu as fait venir vraiment des grosses cylindrées. Et on a toujours, bien sûr, envie de voir que les petits Montiliens soient à l'honneur dans ce tournoi. Hein. Je pense que dans la poule où ils sont tombés, je crois qu'ils sont tombés avec Luyne Sport, si ma mémoire est bonne. J'ai le programme devant les yeux. Avec Fréjus Saint-Raphaël, ils sont tombés avec Palma. Tout voilà, à fait, et Dijon, Balma, Luyne, et bien sûr l'Olympique Montelet. Voilà. Là, c'est la poule D. Ce sera pas la poule de la mort, mais il faudra faire très attention parce que ces clubs, pour certains, que ce soit Dijon ou Balma, c'est quand même du haut niveau. Mais oui, c'est du haut niveau, notamment Balma qui finit deuxième en Ligue Midi-Pyrénées. Dijon, qui reste un club professionnel, même si les clubs pro dans ces catégories-là ne sont pas toujours les meilleurs. Notamment Orléans cette année qui, tout à l'heure j'ai eu l'entraîneur, il m'a dit que Orléans n'avait pas une grosse génération cette année et ils auront à mon avis beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à sortir de leur poule. Et puis puis je pense que Monteux dans la poule où ils sont, pourquoi pas, franchement pourquoi pas. Ouais. Allez, je vous donne un petit peu le contenu de ce tournoi. Il y a quatre poules bien sûr. La poule A, on retrouvera le Sporting Club de Bastia, on retrouvera Orléans, Loiret, Football, le Football Club de Lyon, le Paris Football Club, là aussi. Ça va être une poule dense, on va y revenir à la poule B où c'est que le Pôle Espoir Ligue Méditerranée, tu parleras Hervé, tu nous expliqueras quel est ce Pôle Espoir Ligue Méditerranée. Tonon et Vian Savoie, l'Étoile de Fréjus Saint-Raphaël, le Grenoble Foot 38 qui remonte cette année en national, poule C, le Servette de Genève, Vannes Olympique Club, je pense que ça va être l'une des plus belles poules, Jeanne d'Arc Drancy et le Racing Football Club de Toulon, et puis la poule D, on vient de le dire à l'instant, Dijon Balma, Luyne et l'Olympique Montelet seront c'est la dernière poule de cette poule D. Roland à la poule B, l'Espoir, Pôle Espoir Ligue Méditerranée. C'est quoi? C'est un club? C'est un club formateur? C'est quoi? Alors pour ceux qui ne savent pas, le Pôle Espoir de la Ligue Méditerranée, Si vous voulez, c'est... Alors, il y a Jean-Yves, juste je te coupe, parce que c'est très mal poli de ma part, mais Jean-Yves voulait rajouter, je crois que c'est tous les mauvais joueurs qui vont là-bas. Non, c'est pas ça, non. Non, ne fais pas dire... moi, je sais ce que c'est, le Pôle Espoir. Ouais, ouais. Vas-y. Ne m'attaque pas, Fred. Non, mais Jean-Yves, il connaît parce que c'est dans tous les sports, déjà. Ouais, c'est ça. Un Pôle Espoir, c'est dans tous les sports. On peut parler de handball, on peut parler de rugby, on peut parler de football. Si vous voulez, c'est... Pourquoi ? Parce qu'on connaît tous les clubs qui ont ce style de formation. Ce n'est pas un club. Il faut savoir que le Pôle Espoir n'est pas un club. C'est une sélection. C'est une sélection qui, normalement, fait passer par l'intermédiaire du district Rhône-Durance et de la Ligue Méditerranée des tests, en quelque sorte, à des joueurs de tous les clubs, où normalement, les meilleurs joueurs, entre guillemets, aux yeux de leur entraîneur, de leur coach, etc., sont envoyés directement à ces détections. Et là, le district Rhône-Durance fait certaines détections jusqu'à un certain point où il en sort quelques-uns, puis passe la main après à la Ligue Méditerranée qui fait pareil, qui continue à faire des petits tests et fait une sélection de certains joueurs qui peuvent, selon leurs critères à eux, peuvent rejoindre le Pôle Espoir de la Ligue Méditerranée qui est scolarisé. Il faut savoir que c'est scolarisé. Il faut savoir que le Pôle Espoir donne un travail et propose un travail aux joueurs, une formation comme un centre de formation et qui continue avec la scolarité. Ça fonctionne comme un centre de formation et ça les accompagne, si vous voulez, jusqu'à ce qu'ils partent, ces jeunes joueurs, pour ceux qui ont déjà signé dans les centres de formation, à intégrer un centre, on va dire, entre guillemets, mieux préparé. Voilà. D'accord, voilà. Ouais, l'explicatif était bon parce que moi aussi je me posais la question, je me disais pourquoi ? Parce que normalement tous les grands clubs ont des gens sur le terrain qui repèrent des joueurs qui vont qu'on appelle ça, recruter pour leur centre de formation spécifique, ce sont Montpellier, Marseille, tous les grands clubs d'élite, Monaco qui est connu aussi comme un grand centre de formation, mais je me suis posé la question. C'est pour ça que je taquinais en disant c'est pas les vrais bambous. Non, je plaisante. Non, il faut savoir. Après, pour être honnête avec vous, les mecs qui sont très très bons passent pas par ces filières-là, vont directement en centre de formation dans les grands clubs. Là, c'est les mecs à qui on va filer une espèce de deuxième chance. Les mecs qui n'ont pas été détectés par les scouts, qu'on appelle les mecs au bord du terrain, qui n'ont pas été détectés, qui reste quand même dans le giron des comités, des ligues, etc., et à qui on file une deuxième chance en leur permettant de continuer à bosser pour intégrer les centres de formation des clubs un petit peu plus tard. Après... Quand on parle des centres de formation, on va s'arrêter deux secondes, hein, parce que bon, U15, ça commence un petit peu à parler, là. Je veux dire, il y a des joueurs qui sont déjà en devenir et qui auront ou qui n'auront pas leur place et qui, malheureusement, des fois vont arrêter le foot. Ben, le gros souci, justement, c'est, bon, on en parle tous les jours, hein, le gros problème, c'est que dans les centres de formation, là, tout à l'heure, ce qu'il disait Jean-Yves, je reviens un petit peu dessus, parce que lui, il voit ça par rapport au rugby, mais il faut savoir que il y a des jeunes en centre de formation, au Pôle Espoir de la Ligue Méditerranée, pardon, qui ont déjà signé dans des clubs professionnels avant de rentrer au Pôle Espoir. Ceux-là ont la chance. Après, c'est vrai que là, il a raison sur ce qu'il disait, en disant que les joueurs qui sont au Pôle Espoir, c'est vrai que c'est un petit peu la seconde chance pour qu'ils puissent signer. Après, il faut savoir aussi que dans le football, pas tous les clubs professionnels ont une préformation, c'est-à-dire que les jeunes sont obligés d'attendre 16 ans pour intégrer un centre de formation, d'accord ? Pas avant. Et si ces clubs-là, comme Montpellier d'ailleurs, comme Lyon, ont des préfaux, ce qu'on appelle ça des préfaux, qui les intègrent avant, un an avant. Là, par contre, les clubs français, je crois qu'il y en a, il y en a 4 ou 5 qui ont des préformations. Voilà, là, ils peuvent aller dans un centre à cet âge-là. Mais parce que quand on voit nos deux Vauclusiens, bah parce qu'ils sont connus, hein, que ce soit Raphaël Casares ou Romain Philippotto, qui sortent de la base, quoi. Ils sortent de chez nous, quoi. Ils ont joué en PHA, et je ne sais même pas si Romain Philippotto n'a pas joué à Monteux. Non. Non, il n'a pas joué à Monteux. Non, mais. Non, il a joué à Courtaison. Il a joué. Je crois qu'il a été à Apt, Berne. Courtaison. Non, pas Courtaison. Peut-être Courtaison. Ouais, Courtaison. Rafa a joué, lui, à Carpentras, je crois. Carpentras, Pernes aussi. C'est ceux qui m'interpellent un petit peu en disant que bon, bien souvent, c'est vrai qu'on dit centre formation pour l'avenir. Et bien souvent, il y a des joueurs qui arrivent à s'épanouir dans nos petits clubs et qui deviennent eux aussi. On est besoin d'une très belle carrière. Il faut avoir de la chance. Il faut avoir. Il y a beaucoup de joueurs qui ont fait de super carrières qui ne sont pas passés par des centres de formation. Je prends l'exemple de Mathieu Valbuena qui a été recalé par les Girondins de Bordeaux. Et puis bon, je cite qu'un exemple, mais bon, ce qui revient à dire que quand tu as du talent, tu sors dans tous les cas. Bien sûr. On va prendre juste l'exemple du. Après, il faut que les formateurs en aient du talent aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui se trompent aussi. Hein. Du Madrilène de l'équipe de France. Ça y est, j'oublie son nom, le numéro 9. Zidane. Non, le numéro Madrilène, 9. Benzema. Qui a été recalé par Lyon ou par Marseille parce qu'il était trop petit. Il est allé jouer de l'autre côté. Madrilène. Griezmann. Griezmann. Oui, lui, c'est par rapport à la taille. Au début, il était à Auxerre. Voilà, on y a dit, si tu veux être footballeur, il va falloir manger de la soupe. Voilà, il était à Auxerre et ils l'ont pas voulu parce qu'il était petit. Et puis, ils ont fait comme ils continuent à faire encore, à ne pas voir plus loin que le bout de leurs yeux, pour certains, de leur nez, pardon. Et il manque beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs comme ça. Mais bon, après, peut-être que la formation française... qui est très bonne en général, à quelques responsables à leur tête qu'il faudrait changer peut-être. Moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on a de la chance quand même que le football, quand même, il est unifié un petit peu dans toute l'Europe. On a tous les grands clubs. Et des fois, il y a des joueurs français qui ripent, je veux dire, et tout compte fait, on les retrouve en équipe de France des années plus tard, parce qu'ils sont allés faire une formation en Angleterre, ils sont partis en Espagne, et quelque part, voilà, c'est ça aussi la force, parce qu'on va parler de sport d'équipe, hein, parce que nous, on est plutôt branchés rugby, mais aujourd'hui, à part les Anglais et les Français, et après, il faut partir de l'autre côté de la terre à chercher des joueurs. Quoi, en rugby ou en foot? En rugby, on a beaucoup de problèmes. D'accord. En football, on a cette chance-là. Ah, oui, en football quand même. Moi, après, il faut quand même pas être trop dur aussi, parce qu'on a quand même, une très grosse formation en France. Après, le problème qu'il y a, c'est que malheureusement, depuis quelques temps, je trouve que justement, on retombe un petit peu dans nos travers. Et il faudrait qu'on revienne vite sur ce qu'on était en train de faire. En jugeant uniquement le footballeur et pas la taille et la puissance du joueur. Et ça veut dire qu'on aura bien sûr ce relief, malheureusement, dans ce tournoi, c'est qu'on va avoir des gamins à 15 ans qui font 1m90. Quoi. Il y en a pas mal, oui, il y en a pas mal. Après, c'est vrai que dans la région parisienne, par exemple, il y a beaucoup de gabarits. Après, c'est encore une fois ce que l'on dit tout le temps, c'est qu'il faudrait peut-être que les entraîneurs, et notamment en U15, U14, dans tout ce qui est préfo, pensent surtout au jeu, à proposer du jeu, à proposer quelque chose, à faire évoluer les joueurs, parce que c'est toujours plus compliqué de faire évoluer un bon joueur qu'un mauvais joueur. Faire évoluer un mauvais joueur, c'est trop facile. Après, faire évoluer un bon joueur, c'est plus compliqué. Et il faudrait justement qu'ils arrivent à arrêter de regarder le résultat, qui les fait briller en quelque sorte. Et surtout, penser à l'avenir du joueur et à le faire progresser. Ça, je pense que ça serait bien déjà. C'est vrai. On a eu un petit peu le relief l'année dernière avec le Red Star, où c'est qu'il y avait des joueurs, il y a deux ans, et pas l'année dernière, il y a deux ans, c'était... je me posais une question, s'ils avaient vraiment... C'était U14 ou 13? C'était U15. C'était U15, je me suis posé la question, s'il n'y avait pas 18 ans, c'était solide. Ouais, après, bon, ça, c'est vrai que des fois, on se pose aussi la question, mais bon, je pense qu'il faut faire avec, il faut... Moi, je regarde pas, je pose pas la question de l'âge ou pas, parce que des fois, on aurait des surprises, je pense. Oh, ouais, le pendant de ça, c'est la victoire de Bastia hier, qui joue avec quasi que des produits locaux, des mecs de taille normale et qui, malgré tout... Mais ouais, parce que c'est... quand je dis produits locaux, ce sont des gamins du club de Lille. Il y a peu ou pas de recrutement à l'extérieur. Et ils se sont appuyés sur une formation technique qui était différente, avec des qualités différentes. Ça ne les a pas empêchés de s'imposer dans l'édition 2016, l'an dernier. Allez, on passe juste une page pub et on va revenir avec Hervé Gibert. On parle de ce tournoi U15. Il va nous donner le programme qui nous attend tout au long de ce week-end.